Thank you. de nuit, la Moscova s'allume. Déjà mille flambeaux au loin percent la brume. Un peuple vous appelle, un peuple vous attend. Paris, oh la plus belle, Paris, voici l'instant. Paris, comme un jeune astre, voyez par les cieux, dans la barque d'honneur, éblouir tous les yeux. Et Judith, s'appuyant sur son cœur affermi, saisit par les cheveux Holoferne endormi, et lui tranche la tête. Si une autre Judith menacerait vos jours, rêve à la vain discours, silence. Ma vengeance va donc être enfin satisfaite. Et jusqu'au prévivant, me voilà par venir. Il vient, je l'attends, et mon poignard est mis. une barque de fête près du Kremlin s'arrête. Thank you. cet homme. Igor, c'est mon époux. Qu'adore-je? Cet homme a maudit, on est à ton père. cherie. Oh, ma sang Maria, capesa se ma via, colapsa se la mar. Ma colasse la via, a tua ma sang male, Thank you. étrangers ont soulevé la ville. C'est leur père à tous deux que poursuit son dessein. Le Kremlin est en feu. Venge! Le fier y demeure. Je demeure immobile. Puissant, puissant, brûle de blanc. À genoux, à genoux.